beauté, dis-moi, est-ce que c'est toi sur la photo? T'as un air de Selena quand je ferme les yeux. Moi je me présente Julien, 12 ans, devenons poteau. Mon seul défaut bébé, c'est que je suis encore puceau. À peine je te connais, je rêve tous les jours de toi. Une seule photo suffira, je t'imagine en version belle. En crois-moi mon bébé, je suis un homme qui te plaira. Suffit juste de me connaître, donc voilà mon MSN. Julien le boss du 9214@msn.com. En avatar tu me verras moi et mon beau torse. Cette photo date, elle doit avoir 2 heures depuis. J'ai changé et j'ai dû prendre du poids. J'ai mangé un paquet de chips et un paquet de Belga. J'ai failli oublier, je fume depuis 3 mois. Je suis un peu le bon Marley dans ma cité de Marclas. Donc là tu me rajoutes et de suite on met la canne. On se parle pendant des jours, un rendez-vous dans un bar. On se rencontre enfin, on se parle enfin. Elle me dit t'es mieux sur la photo donc je me rencoiffe mais en vain. Ça ne peut continuer parce que je ne suis pas son genre. Elle me dit désolé, au pire restons amis. La femme de ma vie, elle est partie. Je pleure de tout mon corps et puis je me dis non à la vie. Changer en vrai tout ton réel.